que rien, qu'ils étaient très bêtes et dociles. Certains ont révisé leur jugement au détour d'un champ de coton. Lorsqu'ils ont vu leur femme se faire prendre violemment par un blague aux mensurations des talons. Vite putain, s'il est gros le membre du manu libre, montrez vite putain, s'il est gros le membre du manu libre. Vite putain, s'il est gros le membre du manu libre, montrez vite putain, s'il est gros le membre du manu libre. On a pu à plusieurs reprises vérifier que le mythe était justifié. Vite putain, que ce soit en saut en longueur. Danse. Les noirs ont bien quelques centimètres d'avance, c'est sûr. Oh oui, oui, qu'un gars comme moi, celui que l'on appelle Monsieur Baba, augmente les statistiques de la grosseur phallique de mes pâles congénères. Oui, mais je suis atypique. Vite putain, ce qu'il est gros le membre du manu dibango. Vite putain, ce qu'il est gros le membre du PDB. Vite putain, ce qu'il est gros le membre du manu dibango. Vite putain, ce qu'il est gros le membre. Il est gros le membre du PDB.